Chapitre 16. Visite qui tourne mal. Le capitaine Ispravnik était chez lui et ne fut pas surpris de la visite de Madame Papowski, car il connaissait toute l'étendue de ses pouvoirs, la terreur qu'il inspirait et la soumission que chacun était tenu d'apporter à ses volontés et à ses ordres. Il était très bien avec le gouverneur, qui le croyait un homme rigide, sévère, mais honnête et incorruptible, de sorte que les décisions de ce terrible capitaine Ispravnik étaient sans appel. C'était un homme d'un aspect dur et sévère. Il était grand, assez gros, roux de chevelure et rouge de peau. Son regard perçant et rusé effrayait et repoussait. Ses manières et son langage mielleux augmentaient cette répulsion. Madame Papowski le voyait pour la première fois. Il la fit entrer dans son cabinet. Yefim Vassilievitch, lui dit-elle en entrant, c'est à vous que mon oncle a remis les papiers par lesquels il donne la liberté à tous ces gens. Le capitaine Ispravnik. Oui, Maria Petrovna, ils sont entre mes mains. Et ne peuvent-ils pas en sortir? Impossible, Maria Petrovna. C'est pourtant bien ennuyeux pour moi, Yefim Vassilievitch, car tous ces Dvarovoy sont si impertinents, si mauvais, qu'on ne peut pas s'en faire obéir quand ils se sentent libres. Je ne dis pas non, Maria Petrovna. Mais que voulez-vous? La volonté de votre oncle est là. Mais vous savez que mon oncle m'a donné toutes les terres qu'il possède. C'est possible, Maria Petrovna. Mais cela ne change rien à la liberté des Dvarovoy. Ces terres se montent à plusieurs millions. Il y a 6 000 paysans. Le capitaine Ispravnik s'inclina et garda le silence en regardant Madame Papowski avec un sourire méchant. Madame Papowski, après un silence. Je n'ai pas besoin de tout garder pour moi. Je donnerais bien quelques dizaines de mille francs pour avoir ce papier de mon oncle et celui qui m'interdit de faire fouetter les paysans. Le capitaine Ispravnik ne dit rien. Madame Papowski, l'observant. Je donnerais 50 000 roubles pour avoir ces actes. C'est très facile, Maria Petrovna. Je vais appeler mon scribe pour qu'il vous en fasse une copie. Cela vous coûtera 25 roubles. Madame Papowski se mordit les lèvres et dit, après un long silence et avec quelques hésitations. Ce n'est pas une copie que je voudrais avoir, mais l'acte lui-même. Ceci est impossible, Maria Petrovna. Et pourtant, je donnerais 60 000, 80 000 roubles, 100 000 roubles. Comprenez-vous, Yefim Vassilievitch, 100 000 roubles. Je comprends, Maria Petrovna, répondit le capitaine Ispravnik. Vous m'en ferez 100 000 roubles pour détruire ces papiers que votre oncle m'a confiés. Ai-je compris? Madame Papowski répondit d'une inclinaison de tête. Mais à quoi me serviront ces 100 000 roubles si on m'envoie en Sibérie? Comment pourriez-vous être condamné puisque les actes seraient brûlés? Et les copies que j'ai remises à votre tsarost et à vos Dvarovoy? Madame Papowski demeura pétrifiée. Elle avait oublié la copie que lui avait fait voir le tsarost. Il m'est donc prouvé que vous désirez racheter ces actes, mais que vous ne savez comment faire, et que, si je vous indiquais un moyen, vous me le payeriez 100 000 roubles. 100 000 roubles, plus si vous le voulez, s'écria Madame Papowski. Alors il me reste un devoir à remplir. C'est de faire au général prince-gouverneur un rapport sur l'offre déshonorante que vous osez me faire, et qui vous mènera en Sibérie, ou tout au moins dans un couvent pour faire pénitence. Ce qui n'est pas agréable. On y est fouetté tous les jours et plus maltraité que ne le sont vos domestiques et vos paysans. Madame Papowski, terrifiée. Au nom de Dieu, ne faites pas une si méchante action, mon cher Yefim Vassilievitch. Tout cela n'était pas sérieux. Le capitaine Ispravnik avec rudesse. C'est sérieux, Maria Petrovna. Et si sérieux qu'il vous faudrait me donner plus de 100 000 roubles pour me le faire oublier. Plus de 100 000 roubles? Mais c'est affreux. M'extorquer plus de 100 000 roubles pour ne pas porter contre moi une plainte horrible. Vous vouliez tout à l'heure me donner la même somme pour avoir le plaisir de fouetter vos paysans et vos Dvarovoy et leur extorquer un abroc énorme. Vous pouvez bien la doubler pour avoir le plaisir de ne pas être fouetté vous-même tous les jours pendant 2 ou 3 ans pour le moins. C'est abominable, c'est infâme. Abominable, infâme, tant que vous voudrez. Mais vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir souscrit une obligation de 200 000 roubles remboursable en 2 ans, par moitié au bout de chaque année. Sinon, je fais atteler mon drojki et je vais déposer ma plainte chez le prince gouverneur. Non, non, au nom de Dieu, non. Mon bon Yefim Vassilievitch, ayez pitié de moi, s'écria Madame Papovski en se jetant à genoux devant le capitaine Ipravnik, triomphant. Diminuez un peu. Je vous donnerai 100 000 roubles. 120 000, ajouta-t-elle. Eh bien, 150 000. Le capitaine Ispravnik se leva. Adieu, Maria Petrovna. Au revoir dans quelques heures. Un officier de police m'accompagnera avec 2 soldats. On vous mènera à la prison. Grâce, grâce, dit Madame Papovski, se prosternant devant l'Ispravnik. Je vous donnerai les 200 000 roubles que vous exigez. Mettez-vous là, Maria Petrovna, dit le capitaine Ispravnik, montrant le fauteuil qu'il venait de quitter. Vous allez signer le papier que je vais préparer. Le capitaine Ispravnik eut bientôt fini l'acte, que signa la main tremblante de Maria Petrovna. Partez à présent, Maria Petrovna, et si vous dites un mot de ces 200 000 roubles, je vous fais enlever et disparaître sans que personne puisse jamais savoir ce que vous êtes devenu. C'est alors que vous feriez connaissance avec le fouet et avec la Sibérie. Le capitaine Ispravnik la salua, ouvrit la porte. Au moment de la franchir, elle se retourna vers lui, le regarda avec colère. « Misérable, dit-elle tout haut, sans voir quelques hommes rangés au fond de la salle. « Vous outragez l'autorité, Maria Petrovna. Aussi, Fedor, prenez cette femme et menez-la dans le salon privé. » Malgré sa résistance, Madame Papovski fut enlevée par ces hommes robustes qu'elle n'avait pas aperçus et entraînée dans un petit salon, mais d'apparence assez élégante. Quand elle fut au milieu de ce salon, elle se sentit descendre par une trappe à peine assez large pour laisser passer le bas de son corps. Ses épaules arrêtèrent la descente de la trappe. Terrifiée, ne sachant ce qui allait lui arriver, elle voulut implorer la pitié des 2 hommes qui l'avaient amenée. Mais ils étaient disparus. Elle était seule. À peine commençait-elle à s'inquiéter de sa position qu'elle en comprit toute l'horreur. Elle se sentit fouettée comme elle avait voulu voir fouetter ses paysans. Le supplice fut court mais terrible. La trappe remonta, la porte du petit salon s'ouvrit. « Vous pouvez sortir, Maria Petrovna !» lui dit le capitaine Ispravnik qui entrait en lui offrant le bras d'un air souriant. Elle aurait bien voulu l'injurier, le souffleter, l'étrangler. Mais elle n'osa pas et se contenta de passer devant lui sans accepter son bras. « Maria Petrovna !» lui dit le capitaine Ispravnik en l'arrêtant. « J'ai eu l'honneur de vous offrir mon bras. Est-ce que vous voudriez recommencer une querelle avec moi ?»« Non, n'est-ce pas ?»« Ne sommes-nous pas bons amis ?» ajouta-t-il avec un sourire charmant. « Allons, prenez mon bras. J'ai l'honneur de vous conduire jusqu'à votre voiture. Ne mettons pas le public dans nos confidences. Tout cela doit rester entre nous. » Madame Papovski, encore tremblante, fut obligée d'accepter le bras de son ennemi, qui lui parla de la façon la plus gracieuse. Elle ne lui répondait pas. Le capitaine Ispravnik bas et familièrement. « Vous me direz bien quelques paroles gracieuses, ma chère Maria Petrovna, devant tous ces gens qui nous regardent. Un petit sourire, Maria Petrovna, un regard aimable. Sans quoi, je devrais vous faire faire connaissance avec un autre petit salon très gentil, bien plus agréable que celui que vous connaissez. On y reste plus longtemps, et on en sort toujours pour se mettre au lit. J'ai hâte de m'en retourner chez moi, Yefim Vassilievitch, répondit Madame Papovski en le regardant avec le sourire qu'il réclamait. J'ai été déjà bien indiscrète de vous faire une si longue visite. J'espère qu'elle vous a été agréable, ma chère Maria Petrovna, comme à moi. Certainement, Yefim Vassilievitch. Dites, mon cher Yefim Vassilievitch, lui dit à l'oreille le capitaine Ispravnik. Mon cher Yefim Vassilievitch, répéta Madame Papovski. Demandez-moi à venir vous voir, continua son bourreau. Venez donc me voir à Gromyline. Mon cher, dit l'Ispravnik. Mon cher. Ah, je meurs !» Et Madame Papowski tomba dans les bras du capitaine Ispravnik. L'effort avait été trop violent. Elle perdit connaissance. Le capitaine Ispravnik la coucha dans sa voiture, fit semblant de la plaindre, de s'inquiéter, et ordonna au cocher de ramener sa maîtresse le plus vite possible parce qu'elle avait besoin de repos. Le cocher fouetta les chevaux qui partirent ventre à terre. « Bonne journée, se dit le capitaine Ispravnik. 200 000 roubles. La Papowski, comme elle s'est laissée prendre. J'irai la voir. Si je pouvais lui extorquer encore quelque chose. Je verrai. » Le mouvement de la voiture, les douleurs qu'elle ressentait et le grand air firent revenir Madame Papowski de son évanouissement. Elle se remit avec peine sur la banquette de laquelle elle avait glissé et se livra aux plus amères réflexions et aux plus terribles colères jusqu'à son retour à Gromyline. Elle se coucha en arrivant, prétextant une migraine pour ne pas éveiller la curiosité des domestiques, et resta dans son lit 3 jours entiers. Le 4e jour, quand elle voulut se lever, un mouvement extraordinaire se faisait entendre dans la maison.